Chapitre 22. Le long du corridor. Et voilà, soupira M. Willy Wonka. Deux méchants enfants nous quittent. Restent trois enfants plus sages. Je pense qu'il vaudra mieux sortir d'ici le plus vite possible avant de perdre encore quelqu'un. Mais, Monsieur Wonka, dit anxieusement Charlie Bucket, est-ce que Violette Beauregard redeviendra comme avant ou bien sera-t-elle toujours une myrtille? Ils ne tarderont pas à lui faire perdre tout son jus, déclara Monsieur Wonka. Ils vont la rouler jusque dans le pressoir et elle en ressortira mince comme un fil. Mais sera-t-elle toujours bleue partout? Demanda Charlie. Elle sera violette, proclama Monsieur Wonka. D'un beau et riche violet, de la tête aux pieds. Mais c'est bien fait, c'est ce qui arrive quand on mâche cette gomme répugnante à longueur de journée. Si vous trouvez la gomme répugnante, dit Mike TV, pourquoi en fabriquez-vous? Parle distinctement, dit Monsieur Wonka. Je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. En route, allons-y. Dépêchons-nous. Suivez-moi. Nous allons repasser par les corridors. Cela dit, Monsieur Wonka traversa en courant la salle des inventions pour ouvrir une petite porte secrète dissimulée par des tas de tuyaux et de fourneaux suivis des trois enfants, Veruca Salt, Mike TV et Charlie Bucket, et des cinq adultes qui restaient en course. Charlie Bucket reconnut l'un des longs corridors roses coupés de beaucoup d'autres corridors roses. Monsieur Wonka galopait en tête, tournant à gauche et à droite et à gauche, et grand-papa Joe dit « Serre-moi bien la main, Charlie. Ce ne doit pas être drôle de se perdre ici. » Monsieur Wonka, lui, disait « Plus de temps à perdre. À ce train-là, nous n'arriverons plus nulle part. » Et il filait par d'interminables corridors roses avec son chapeau haut de forme noire et son habit couleur de prune dont la queue flottait derrière lui comme un drapeau au vent. Ils passèrent devant une porte. « Pas le temps d'entrer !» cria Monsieur Wonka. « Allons, pressons !» Ils passèrent devant une autre porte, puis une autre, et encore une autre. Il y en avait une à peu près tous les 20 pas, et chacune portait un écriteau. D'étranges bruits métalliques en sortaient, des parfums délicieux filtraient par les trous de serrure, et quelquefois de petits jets de vapeur colorée s'échappaient par les fentes. Grand-papa Joe et Charlie devaient courir vite pour maintenir l'allure, mais ils parvenaient néanmoins à lire quelques inscriptions en passant. « Oreiller mangeable en pâte de guimauve », disait l'une d'elles. « Formidable, les oreillers de guimauve. Ils feront sensation quand je les aurai mis en vente. Mais nous n'avons pas le temps d'entrer. Pas le temps. Papier peint qui se lèche pour chambre d'enfant », disait l'écriteau suivant. « Charmant, ce papier qui se lèche !» cria Monsieur Wonka, toujours pressé. « Des fruits y sont peints. Des bananes, des pommes, des oranges, des raisins, des ananas, des fraises et des flageoises. »« Des flageoises ?» demanda Mike TV. « Ne me coupe pas la parole !» dit Monsieur Wonka. « Tous ces fruits figurent sur le papier, et il suffit de lécher une banane pour avoir un goût de banane. Léchez une fraise et vous obtenez un goût de fraise. Et si vous léchez une flageoise, ça donnera exactement le goût d'une flageoise. » Mais ça a quel goût, une flageoise ? Tu manges encore tes mots, dit Monsieur Wonka. Parle plus fort la prochaine fois. Allons, dépêchons-nous. Crème glacée chaude pour les jours de grand froid, disait l'inscription suivante. Extrêmement utile en hiver, dit Monsieur Wonka en passant. Les glaces chaudes sont étonnamment réchauffantes quand ils gèlent. Je produis aussi des glaçons chauds pour boissons chaudes. Les glaçons chauds rendent les boissons chaudes encore plus chaudes. Vache donnant du lait chocolaté, lisait-on sur la porte suivante. « Ah, mes jolies petites vaches !» s'écria Monsieur Wonka. « Comme je les aime, mes vaches !»« Pourquoi ne pouvons-nous pas les voir ?» demanda Veruca Salt. « Pourquoi faut-il passer si vite devant toutes ces jolies salles ?»« Nous nous arrêterons au bon moment !» s'écria Monsieur Wonka. « Ne sois pas si impatiente !»« Boisson gazeuse aérodynamique !» disait l'écriteau suivant. « Oh, celles-là sont fabuleuses !» cria Monsieur Wonka. Elles vous remplissent de bulles pleines d'un gaz spécial, et ce gaz est si incroyablement léger qu'il vous décolle au sol comme un ballon et vous vous envolez au plafond, pour y rester. Mais qu'est-ce qu'on fait pour redescendre ? Demanda le petit Charlie. Il faut rôter, naturellement, dit Monsieur Wonka. Vous rôtez de toutes vos forces, et alors le gaz remonte et vous redescendez. Mais n'en buvez pas en plein air, on ne sait jamais jusqu'où ça peut monter. J'en ai fait boire une fois à un vieil Oompa Loompa, dehors dans la cour, et il est monté, monté, monté. À la fin, il a disparu dans le ciel. C'était très triste. Je ne l'ai plus jamais revu. Il aurait dû rôter, dit Charlie. Bien sûr qu'il aurait dû rôter, dit Monsieur Wonka. J'étais là en train de lui crier, rôte, espèce d'âne, rôte. Sans ça, tu ne redescendras plus. Mais il n'a pas rôté. Il n'a pas pu. Ou il n'a pas voulu, je ne sais trop. Il était peut-être trop poli. Il doit être dans la lune maintenant. Sur la porte suivante, on pouvait lire « Bonbons carrés qui ont l'air d'être ronds ». Attendez ! Cria Monsieur Wonka en s'arrêtant soudain. « Je suis très fier de mes bonbons carrés, qui ont l'air d'être ronds. Allons les voir !»